l'étranger, même s'il n'est qu'un va-nu-pied. Peut-être est-il un messager pour toi par le ciel envoyé. Ouvre ta porte à l'étranger, donne du pain à l'affamé. Donne le gîte au passager et ton amour à l'opprimé. Ouvre tes bras à l'étranger, sache ne mépriser jamais. Te sentira plus léger, ton âme connaîtra la paix. Oui, mais c'est quoi un étranger? Car si tous les hommes sont frères, ils doivent tout bien partager, le pain, la joie et les misères. Car si tous les hommes sont frères, ils doivent tout bien partager, le pain, la joie et la misère.